Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'élection présidentielle de 1968 aux États-Unis. This will be an open administration. Ce sera une administration ouverte. Ouverte aux nouvelles idées, ouverte aux hommes et aux femmes des deux partis, ouverte aux critiques, autant qu'à ceux qui nous soutiennent. We want to bridge the generation gap. Nous voulons faire le pont entre les générations et entre les races. Nous voulons rassembler l'Amérique. We want to bring America together. Richard Nixon, le 6 novembre 1968, alors qu'il vient d'être élu président des États-Unis, la campagne présidentielle de 1968 reste aujourd'hui encore l'une des plus mouvementées de toute l'histoire des États-Unis, miroir de la société américaine du temps. Cette campagne électorale de 1968 va se dérouler sur fond de crise, manifestations contre la guerre au Vietnam, émeutes raciales à la suite de l'assassinat de Martin Luther King et en pleine primaire démocrate, l'assassinat de Robert Kennedy, l'un des candidats de cette course à l'investiture démocrate. Oui, c'est fini. Tout est maintenant définitif. Il y a quelques instants à peine, le vice-président Humphrey a reconnu la victoire de son rival républicain, M. Nixon. Il lui a envoyé un message disant à peu près: vous aurez maintenant tout mon appui pour unifier le peuple américain et construire une meilleure Amérique. Monsieur Nixon est maintenant arrivé à 290 votes électoraux, alors qu'il n'en faut que 270 pour gagner. Et avec 203 votes électoraux seulement, Monsieur Humphrey n'avait plus aucune chance d'emporter la victoire, même s'il s'assurait les trois États restants. Le journaliste Claude Moisy à Washington, qui confirme la victoire de Richard Nixon dans cette nuit du 5 au 6 novembre 1968. Les résultats finaux de cette élection présidentielle de 68 vont finalement accorder 301 grands électeurs à Richard Nixon, 191 au démocrate Hubert Humphrey et 46 au candidat George Wallace. Pour nous raconter cette campagne électorale hors du commun, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que cette élection-là vaut le détour, vaut une émission d'aujourd'hui d'histoire, Karine Prémont? Ben, en fait, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Vous l'avez dit, d'abord, le tumulte ambiant aux États-Unis en raison de ce contexte international, de ce contexte intérieur aussi. Et je vous dirais parce que cette élection-là va réaligner les forces partisanes aux États-Unis. Ça va changer la carte des partis politiques aux États-Unis, par exemple. C'est un pivot. C'est un pivot. Ça, ouais. C'est clairement établi parce que des années 30 aux années 60, c'est le Parti démocrate qui est le parti dominant, le parti de la majorité qui remporte 7 des 9 élections présidentielles. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 2004, c'est le Parti républicain qui va devenir le parti de la majorité, qui va remporter 7 des 10 élections présidentielles et qui va être dominant au Congrès. Donc, clairement, là, il y a une rupture, il y a un réalignement. Oui. Et le Parti démocrate lui-même va connaître des soubresauts idéologiques. On va abandonner les partis plus progressistes de notre programme pour rejoindre un plus grand électorat. Les démocrates vont perdre le Sud blanc. Donc, c'est une élection extrêmement importante dans le paysage idéologique des États-Unis. Et qui se produit, je l'évoquais au tout début de l'émission, mais dans un contexte assez chaotique. Le pays est en crise en 68. Le pays est en crise parce qu'en janvier 68, c'est l'offensive du Tet et c'est là où les manifestations anti-guerre vont exploser, sans mauvais jeu de mots, où il y aura effectivement un peu plus tard l'assassinat de Martin Luther King en avril, où là, les émeutes raciales vont se produire dans la plupart des grandes villes américaines, en fait, et les gens vont être très inquiets, vont se dire finalement, ben, est-ce que c'est pas les politiques progressistes de Johnson finalement qui nous mènent à ce chaos? Comment on va se sortir de ça? Et c'est dans ce contexte particulier de violence extérieure, de dissension interne au sein du Parti démocrate que va se tenir l'élection en 68. Ça va brasser. Cette société qui est très agitée, disons ça comme ça, elle le sera au cours de cette campagne électorale, dans les primaires. Il va y avoir de la violence. Ça va vraiment être le miroir, je le disais, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. La campagne, c'est le miroir de ces États-Unis en crise de l'époque. Ça brasse aussi pas mal à l'intérieur même du Parti démocrate, Karine Prémont. Oui, parce que la stratégie de Johnson à l'égard du Vietnam rend les gens un peu nerveux au sein du Parti démocrate. On comprend que la population est insatisfaite. Le taux de désapprobation à l'égard de cette stratégie-là est de 50%. Donc, on a perdu pas mal de monde. Il y a Walter Cronkite, qui est le présentateur de nouvelles le plus respecté aux États-Unis, qui ne croit plus en la stratégie de Johnson. Alors, ce soutien s'effrite progressivement. Et là, les démocrates commencent à se dissocier de Johnson, commencent à imaginer de contester, en fait, son pouvoir. Et c'est ce que fera notamment Eugene McCarthy, qui va annoncer sa candidature en novembre 67 contre Johnson et qui va très bien faire dans la première primaire du New Hampshire. Il va obtenir 42 % des voix. Johnson en obtient 49, pardon. Alors, ça va ébranler un peu tout le monde. Et c'est ça qui va... je vous dirais, là, clairement établir cette vulnérabilité de Johnson. Et c'est ça qui va amener Robert Kennedy plus tard là, à se lancer aussi dans la course. Bien, il voit le résultat au New Hampshire. Exactement. Quelques jours plus tard, il décide d'être candidat aussi, Kennedy. Exactement, parce qu'il dit, bon, bien, clairement, Johnson est vulnérable, il y a une position à prendre et le mouvement anti-guerre est tel que Johnson risque de perdre sa place. Oui, ce qui fait que le 31 mars 68, face à ses candidatures d'Eugene McCarthy et de Robert Kennedy, Lyndon B. Johnson annonce qu'il ne va pas se présenter à l'élection présidentielle de novembre 1968. With America's sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home. Avec nos fils sur le terrain à l'étranger, avec notre avenir à tous qui se joue ici même, avec nos espoirs de paix et ceux du monde entier, je ne crois pas que je devrais consacrer ne serait-ce qu'une heure de mon temps à des causes partisanes personnelles ou à toute autre fonction que les tâches impressionnantes de ce bureau de la présidence de votre pays. En conséquence, je ne chercherai pas et je n'accepterai pas la nomination de mon parti pour un second mandat en tant que président. And I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Lyndon B. Johnson, le 31 mars 1968, au-delà des beaux discours, il cause bien quand même, M. Mm-hmm. Johnson. Qu'est-ce qui le pousse à renoncer à être candidat à cette élection présidentielle de 68? Mais en fait, c'est pas la première fois qu'il envisage de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. On sait qu'il a terminé le mandat de Kennedy quand il a été assassiné. Il a gagné son propre mandat en 64. Et là, l'usure commence à le rattraper. C'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne santé, mm-hmm. Qui a eu des problèmes cardiaques, en fait, dans les dernières années. Quelqu'un qui subit, je dirais, la présidence, qui trouve que c'est un poids très lourd à porter, les critiques incessantes, les troubles intérieurs, cette incapacité à mener à terme son programme législatif le mine progressivement et certainement, en fait. Et il est profondément convaincu qu'il doit consacrer tout son temps au Vietnam, trouver une solution pour assurer. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il y a beaucoup de vrai dans ça. Quand on lit les mémoires, quand on lit les biographies, quand on lit les rapports, effectivement, Johnson est convaincu qu'il doit régler cette crise-là pour le bien, pour l'avenir, en fait, des États-Unis et qu'il n'a pas assez de temps à consacrer à ce sujet-là. Alors, il se dit, si je me retire de cette campagne-là, j'aurai ce temps et peut-être que je ne mourrai pas non plus d'une crise cardiaque avant la fin. Mm. Mais c'est surtout cette idée de trouver une solution pour assurer, justement, cette victoire du Parti démocrate également à long terme. Alors, au final, Karine Prémont, qui seront donc les candidats dans cette course aux primaires démocrates? Bien, d'abord, McCarthy, dont on a déjà parlé, dont la base, je dirais, est constituée d'étudiants intellectuels, de gens qui sont contre la guerre, des Blancs plus aisés qui viennent des grandes villes. Et il y a Hubert Humphrey aussi, qui est le vice-président de Johnson et dont le retrait lui a permis de s'inscrire dans la course, qui est le candidat de l'establishment, je vous dirais, mais qui est pris un peu avec cet héritage de Johnson qui doit à la fois dire, ben moi, je ne ferai pas comme lui au Vietnam, mais en même temps, je dois le soutenir parce que je suis encore vice-président. Et il y a Kennedy, dont le soutien provient essentiellement des minorités ethniques, mais aussi des activistes anti-guerre. Donc, ce sont les trois factions, je vous dirais, là, qui vont, pendant toute cette campagne, pendant toutes ces primaires, se coltiner et contribuer au déchirement de ce Parti démocrate. Coup de théâtre, quand je disais au début de l'émission que cette campagne-là, vraiment, elle est pleine de rebondissements et sort de l'ordinaire. Coup de théâtre. Robert Kennedy, donc, qui est assassiné après son discours de la victoire à la primaire démocrate de Californie dans la nuit du 4 au 5 juin 68. Évidemment, le pays tout entier, l'Occident tout entier en est bouleversé de cette mort. Concrètement, Karine Prémont, quel impact ça a, cette disparition de Kennedy, dans la primaire démocrate? Bien, en fait, ça va consolider l'avance de Humphrey. Parce que quand Kennedy décède, quand il est assassiné, il vient de remporter la primaire de la Californie qui lui permet d'espérer peut-être à long terme une victoire, mais il est second dans dans le décompte des délégués. Est-ce qu'il aurait pu remonter? Est-ce qu'on... On s'entend pas bien là-dessus, ouais, parce que c'est difficile d'évaluer là, dans quel sens le vent aurait tourné, mais clairement, cette victoire de la Californie lui aurait donné à tout le moins un momentum, ouais, là, et permettre peut-être d'y arriver. Mathématiquement, c'était possible. Ouais. En termes d'appui populaire aussi, ça l'était. Alors, c'est pas à négliger, ouais, que cette victoire probable-là. Mais ça, évidemment, ouais, ça se fera pas. Et ça va permettre justement à Humphrey là, de mener loin devant son troisième adversaire, parce c'est-à-dire lui, McCarthy. C'est lui qui récupère c'est lui qui ramasse à ce moment-là les appuis pour Kennedy. Exactement. Ouais. La convention démocrate commence donc. Elle se déroule à Chicago du 26 au 29 août 1968. Une bagarre risque d'éclater en ce moment entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les manifestants qui d'ailleurs commencent à jeter des bouteilles et des pierres sur les policiers. La police est en train de charger les manifestants. Maintenant, il va certainement y avoir de la bagarre. Des bouteilles commencent à voler dans le ciel. My fellow Americans, chers compatriotes américains, chers collègues démocrates, j'accepte avec fierté la nomination de notre parti. I proudly accept the nomination of our party. This moment is one of personal pride and gratification. C'est pour moi un grand moment de fierté personnelle et de satisfaction. Pourtant, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse devant cette violence qui a éclaté dans les rues de cette grande ville et pour toutes les blessures qu'elle a entraînées. And for the personal injuries which have occurred. Hubert Humphrey, qui prononce son discours de la victoire à la Convention démocrate du mois d'août 68 à Chicago, vous l'entendez dans cet extrait, il fait état de cette violence qui a entouré la Convention démocrate de Chicago. On entendait d'ailleurs un petit bout de reportage au début de cet extrait, Karine Prémont, c'est un petit peu la folie, et ce qui est particulier, c'est que c'est un peu la folie à l'intérieur et à l'extérieur de la Convention démocrate. Qu'est-ce qui se passe à Chicago au mois d'août 68? Bien, Chicago va devenir le point de convergence de toutes les critiques de l'administration Johnson. Alors, on va y retrouver, effectivement, essentiellement, je dirais, les gens qui en ont assez de la guerre du Vietnam. Donc, toutes les manifestations vont converger vers Chicago. Et le maire de Chicago, qui est un personnage qui n'est pas banal dans l'histoire, Richard Daley, va déployer 12 000 policiers, va faire appel à 6 000 soldats de la garde nationale pour encercler le lieu de la convention et va refuser d'octroyer des permis aux manifestants, ce qui va les reléguer dans les parcs, en fait, dans les endroits un peu en périphérie, mais ultimement, ça va mal se passer parce que le mécontentement est palpable. Et encore une fois, Walter Cronkite, qui est présent dans cette histoire-là, va lancer la diffusion de cette convention en disant « La convention du Parti démocrate s'ouvre dans un état policier. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui est en train de se passer ici. Les commerçants sont barricadés. Tout le monde est en état de siège. Et on sent cette volatilité en raison justement des problèmes raciaux, en raison des problèmes liés à la guerre du Vietnam. On sent là, cette volatilité-là et on le sent aussi à l'intérieur de la convention. Et le 28 août, tout ça va dégénérer alors que les démocrates n'arrivent pas à s'entendre sur la plateforme adoptée concernant le Vietnam. À l'extérieur de la convention, les manifestants vont se diriger devant l'hôtel Hilton, en fait, qui est le quartier général des délégués démocrates où il y a beaucoup de journalistes aussi. Et là, on va appeler ça la bataille de l'avenue Michigan et la police charge. Essentiellement, c'est ce qui se passe. À l'intérieur, c'est un peu le chaos aussi parce que là, on a des leaders du Parti démocrate qui vont apostropher le maire, Richard Daley, qui est sur place en lui disant mais c'est pas possible ce qui se passe, faites quelque chose, vous gérez ça un peu bizarrement. Et Richard Daley va exploser, va traiter tout le monde de toutes sortes de choses. Il jette de l'huile sur le feu. Il jette de l'huile sur le feu. Mais c'est une longue idée. Exactement. Ouais. Et là, ça démontre encore une fois tout le chaos, toute la dissension qui règne au sein du Parti démocrate. Ouais. Ça va tellement mal à Chicago. Vous me dites si c'est vrai, cette histoire-là. En préparant le dossier, je voyais que Lyndon B. Johnson aurait songé partir de Washington, se rendre à Chicago pour dire « Oups, attendez, je me présente, je vais me présenter à ma propre succession. » C'est vrai, cette histoire-là? C'est tout à fait vrai. Il avait envisagé de faire ça. Il écoutait ce qui se passait à la télévision, puis il se disait « Mais c'est pas possible, une chose pareille, le Parti démocrate ne se remettra pas de ça. » Et Daley, encore lui, lui avait dit « Écoutez, si vous vous présentez, si vous venez à la convention, je suis convaincu que vous allez avoir les votes pour l'emporter. » Alors, Johnson envisage ça. Ce sont les gens de ses services secrets qui vont dire « Nous, on peut pas assurer votre sécurité si vous allez là. » Et avec sa femme, ses filles, tout ça, finalement, il décide de ne pas y aller. Mais la situation est telle qu'on envisage un peu toutes les options pour calmer le jeu. Bon, c'est Hubert Humphrey qui, finalement, donc, remporte cette investiture démocrate et sera candidat pour les démocrates à la présidentielle de 68. Parlons des républicains qui doivent regarder ça avec un sourire en coin parce que du côté de la primaire républicaine, c'est plutôt le calme plat. À comparer de ce qui se passe chez les démocrates en particulier, oui, mais c'est très calme du côté des républicains. Il y a plusieurs candidats qui sont intéressants, qui se proposent, notamment le gouverneur du Michigan, George Romney. Mais finalement, rendu à la convention, les candidats qui restent, c'est Richard Nixon, qui est l'ancien vice-président d'Eisenhower, qui avait été défait en 1960, qui avait été battu par Kennedy. Et qui représente les républicains modérés. Ouais. Il y a la branche plus progressiste des républicains qui est représentée par Nelson Rockefeller, qui est gouverneur de l'État de New York. Et il y a les conservateurs, et c'est Ronald Reagan qui représente cette voix, qui est gouverneur de la Californie à cette époque-là. Donc, la convention républicaine se tient à Miami entre le 5 et le 8 août 68, donc avant celle des démocrates. Et Richard Nixon sera très facilement couronné à ce moment-là. C'est quoi, 80, de mémoire, 93%? 93% des délégués. Rockefeller va en avoir 7% et Reagan va obtenir 2 délégués sur les 2000 quelques. Bon, mais alors, il va se reprendre. C'est pas son heure. Il va se reprendre Reagan. Un peu plus tard, effectivement. Ce qui est fascinant aussi, il faut quand même le signaler, c'est que le fait que Nixon réussisse ce coup-là, c'est pas rien. C'est ce qu'on évalue comme étant le plus grand retour politique, le plus grand retour de l'histoire politique des États-Unis, parce que être défait à une présidentielle, habituellement, ça ne vous prédispose pas à gagner une autre élection. Politiquement, il était mort, c'était un paria. Il a réussi à revenir. Il va se faire le porte-parole de la classe moyenne. Il va, dans une décision tout à fait étonnante, il va nommer Spiro Agnew comme vice-président, qui est un illustre inconnu, gouverneur du Maryland, mais qui va être la voix la plus ferme sur les positions les plus radicales de Nixon. En fait, il va faire la job de bras bon québécois. Et le Washington Post avait dit de cette nomination-là que c'était la nomination politique la plus surprenante depuis que Caligula avait fait nommer son cheval consul de Rome. Alors, c'est vous dire à quel point ce type-là sortait de nulle part. Et ça aussi, ce serait un bon sujet pour aujourd'hui l'histoire de parler de cette relation entre Nixon et Agnew. C'est noté. Dans cette élection de 1968, il y a un troisième candidat qui vient un petit peu troubler les cartes, qui se présente sous les couleurs du American Independent Party. C'est George Wallace. Qui est George Wallace? On écoute un extrait de publicité électorale qui nous en dit déjà pas mal sur le bonhomme et sur le type de campagne qu'il va mener. Why are more and more millions of Americans turning to Governor Wallace? Pourquoi de plus en plus d'Américains se tournent-ils vers le gouverneur Wallace? Vous n'avez qu'à regarder de quelle façon les autobus scolaires transportent vos enfants en ville. En tant que président, je ferai en sorte que le contrôle du système des écoles publiques soit entre les mains de la population de chaque État. Pourquoi de plus en plus d'Américains se tournent-ils vers le gouverneur Wallace? Vous n'avez qu'à ouvrir un petit commerce pour comprendre ce qui peut vous arriver. En tant que président, je vais défendre la police et les pompiers locaux afin de mieux protéger vos biens et votre sécurité. Pourquoi de plus en plus d'Américains se tournent-ils vers le gouverneur Wallace? Regardez vos impôts durement gagnés s'envoler vers des pays anti-américains. En tant que président, j'arrêterai les dons de vos dollars américains et de vos produits aux nations qui aident nos ennemis. Wallace a le courage de défendre l'Amérique. Appuyez-le. Give him your support. Même si on ne voit pas les images qui accompagnent cette publicité télé, on saisit parfaitement, Karine Prémont, l'esprit derrière cette candidature. Qui est-il, George Wallace, et quel genre de campagne il va mener? George Wallace, c'est un ancien membre du Parti démocrate. Il représente ces Blancs du Sud des années 50 qui sont ultra-ségrégationnistes, qui sont anti-gouvernement fédéral. Et donc, il va coaliser, en fait, cet électorat qui est déçu du Parti démocrate. Il est gouverneur de l'Alabama à ce moment-là. Il s'est déjà présenté contre Lyndon Johnson en 64. Et en 68, il se présente de nouveau. Et ce qu'il souhaite, en fait, ce n'est pas tant remporter l'élection, parce qu'il sait bien qu'il n'a pas de chance, ce qu'il veut, c'est diviser le vote. Il veut empêcher les deux candidats d'obtenir la majorité des grands électeurs, c'est-à-dire d'atteindre 270, parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est la Chambre des représentants qui choisit lequel des deux candidats. Alors, il se dit, à ce moment-là, moi, j'aurai peut-être l'occasion d'exiger des concessions importantes pour le Sud dans une situation aussi problématique. Alors, ce qu'il veut, c'est profiter de la situation, c'est empêcher un candidat de laisser le Sud, finalement, tout seul avec ses convictions. C'est intéressant, comme sur le plan politique, du jeu politique. C'est une stratégie politique particulière. C'est un beau cas de figure. Il va faire une erreur qui va lui être fatale, en fait, c'est qu'il va choisir un colistier, Curtis LeMay, qui va signer son arrêt de mort. Oui, parce que Curtis LeMay, c'est une figure militaire importante. C'est un général. Ça fait plusieurs années là, qu'il est dans l'entourage de la Maison-Blanche, qu'il travaille comme conseiller des présidents. Notamment, il était là durant la crise des missiles de Cuba. Et c'est justement ça le problème. C'est quelqu'un qui, notamment, soutient l'utilisation du nucléaire comme arme régulière. Il avait suggéré à Kennedy d'utiliser le nucléaire contre Cuba. Il l'avait recommandé en 1948 pour régler la crise, le blocus de Berlin, en fait, la crise de Berlin. Et il l'a réaffirmé en conférence de presse quand il a été choisi. Donc, c'est un extrémiste, c'est un radical, c'est quelqu'un qui croit que la force, finalement, règle tout. Ouais. Et c'est à partir de ce moment que la candidature de Wallace a commencé à plonger, même si elle n'a jamais vraiment décollé. Là. Mais c'est Curtis LeMay qui va être le dernier clou. Plongeons donc dans la campagne comme telle, la campagne électorale, une fois l'étape des conventions républicaines et démocrates passées. Comment ça va se dérouler, cette campagne? Mais en fait, Nixon va mener dans les sondages pendant une bonne partie de la campagne jusqu'en octobre, à la fin octobre, à quelques jours du scrutin, quand Lyndon Johnson va annoncer la suspension des bombardements contre le Vietnam pour le temps de négocier, en fait, un accord de paix. Et ce qui va arriver, c'est que Nixon, on l'a su seulement il y a quelques années, Nixon va saboter ce processus de paix-là, notamment par le biais d'Henry Kissinger, qui est alors conseiller au sein de l'administration Johnson, mais aussi d'une amie du Parti démocrate, une grande donatrice, Anne Cheneau. Et donc, il va entrer en contact avec les gens qui dirigent le Sud-Vietnam et va leur dire « Attendez qu'on arrive, incroyable. Vous aurez un meilleur deal. » Et finalement, c'est ça qui va renverser la vapeur quand les dirigeants du Sud-Vietnam vont refuser de se présenter à la table. Et ça va permettre à Nixon de gagner. Il faut dire que le Vietnam pèse lourd sur Humphrey aussi, qui va se dissocier beaucoup trop tard des positions de Johnson. Au final, on retient quoi? Quelle leçon on peut tirer de cette campagne de 68? Un ton de campagne extrêmement dur, extrêmement rude, qui est le reflet de cet état de la société américaine profondément divisé par la guerre du Vietnam, par le mouvement des droits civiques. Ça va être aussi une période de démonisation du progressisme aux États-Unis. Je disais au début de l'émission, justement, que le Parti démocrate va abandonner les portions plus progressistes de son programme suite à cette campagne. Et on va voir aussi se multiplier les attaques virulentes contre les médias, justement par le biais notamment de Spiro Agnew, dont on parlait tantôt, qui va faire des médias les ennemis du peuple américain, les ennemis de la classe moyenne. Et ça va aussi politiser une génération de jeunes Américains et qui vont s'activer, autrement dit, dans cette société qui est la leur. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.